Chapitre 47e. Pendant les 15 jours qui suivirent, Démiane rongea sa colère sous toutes les formes. Deux fois la princesse lui envoyait dire de ne pas venir le matin à 10 heures, et la troisième fois, c'est lui qui se donna le plaisir royal de lui faire savoir qu'il ne viendrait pas. Ce dernier trait de caractère lui parut digne de Plutarque, et pour mettre un peu de baume sur son amour-propre endolori, il s'assit dans un coin, et se tressa glorieusement à lui-même une petite couronne de laurier. Les myrtes ne lui paraissaient pas de saison, et en ce qui regarde les roses, il commençait à les avoir en médiocre estime depuis qu'il avait vu la princesse en porter ou non pas porter, suivant son caprice, qu'ils se fussent vus ou non dans la matinée de ce jour. Une fois, il l'avait prié de mettre le soir à son corsage une de ses fleurs, en souvenir de leurs entretiens. Cléopâtre avait beaucoup ri de cette extravagance sentimentale. « Ah, mon cher, avait dit cette femme vraiment supérieure, ne soyez pas sentimental, je vous en conjure. Rien n'est plus ridicule, ni mieux fait pour me déplaire. » Vous parlez toujours de vous déplaire, riposta Démiane, et vous ne songez jamais à vous demander si quelque chose ne me déplaît pas à moi. À vous, fit la princesse avec hauteur, est-ce que vous avez le droit de trouver quelque chose de déplaisant en moi? En qualité de quoi, princesse? Avait dit le jeune ombrageux. Au lieu de répondre, Cléopâtre lui avait passé sur les yeux sa main fine et soyeuse, et le différend s'était trouvé et terminé. Mais la princesse était fort ennuyée de cette guerre intime. « Ces plébéiens n'ont pas d'usage, s'était-elle dit. Ils sont terriblement mal élevés, et l'on ne m'y reprendra pas. » C'est pourquoi elle avait éloigné les entrevues dans le boudoir. Mais si Démiane se permettait de ne pas venir, il fallait reprendre son empire. Cet empire ressaisi par bravade dut-il n'avoir qu'un jour. Le matin du jour fixé pour la solennité musicale au profit des blessés du Caucase, Cléopâtre, en se réveillant, se dit que l'occasion était favorable pour amener au vrai principe du savoir-vivre ce jeune Marcof, décidément trop indépendant, et elle le fit prier de passer chez elle. Quand il reçut cette communication, Démiane s'occupait de sa toilette de l'après-midi. Le concert avait lieu à 2 heures. Il se choisissait non sans peine une cravate parmi une assez belle collection de petits morceaux de batiste chiffonnés. Hélène ne disait rien, et dans la pièce voisine repassait avec beaucoup de soin quelques menus dentelles. Au moment où entrait le messager, elle adressa la parole à Victor. « Apportez-moi vos deux cravates, dit-elle, je vais leur donner un coup de fer. » Victor saisit avec empressement les deux objets et les présenta à cette bienfaitrice modeste. Un regard échangé entre eux les renseigna sur leurs inquiétudes. Sans savoir pourquoi, ils craignaient ce message qui ne paraissait leur présager rien de bon. Démiane lut la lettre, regarda sa montre, hésita un instant, et après avoir jeté un regard furtif dans la pièce voisine où ses amis, immobiles, attendaient sa décision, « Priez la princesse de m'excuser, dit-il. Il faut que je sois à la salle de concert dans 2 heures. Je ne puis me rendre à ses... » Il chercha le mot, et avec quelque emphase, conclut « à ses ordres ». Le messager indifférent se retira, et Démiane, le front plus haut que de coutume, alla rejoindre les deux jeunes gens. « Direz-vous encore, Hélène, que je suis un homme sans dignité ? » fit-il d'un air noble, satisfait de lui-même. Elle le regarda furtivement, sourit, fit un geste de tête qui était chez elle l'indice du contentement, et pour pallier ce que cette approbation pouvait avoir de trop flatteur, répondit tranquillement « Une hirondelle ne fait pas le printemps. »« Que vous faut-il donc ? » dit l'artiste en se rebiffant. « Toute une volée d'hirondelle, » répondit Hélène avec son sourire mystérieux. « Je suis bien bon, » pensa Démiane, en lui tournant le dos, « de m'occuper de ce qu'elle pense. » Le pauvre Démiane était de ceux qui ne peuvent se passer de l'approbation d'autrui. Là était sa faiblesse, mais là aussi était l'espoir de ceux qui l'aimaient, car ce besoin d'approbation devait le leur ramener un jour ou l'autre. Victor, qui avait l'âme naturellement compatissante, vint rejoindre son frère et lui faire un peu de conversation pour le récompenser de sa belle conduite. C'est ce qu'entre Hélène et lui ils appelaient « lever momentanément la quarantaine ». La salle était pleine. Rabène trônait au premier rang, avec le pull neuf de tous ses pince-nez. Le concert commença. Plusieurs artistes de l'orchestre des eaux apportèrent aux blessés du Caucase le tribut de leur talent. Hélène joua la grande polonaise et fut rappelée 2 fois au milieu d'un enthousiasme extraordinaire. Elle était si jolie qu'elle semblait répandre de la lumière autour d'elle. Démiane se présenta, salua le public, fut applaudi, salua encore, refut applaudi, resalua, épaula son violon et regarda dans la salle. La princesse n'assistait pas au concert. « Oui, mon bel ami, c'est ainsi, » sembla lui dire Aben, qui le regardait d'un œil curieux. « Tu l'as voulu, la guerre est déclarée. » Demian avait, quand c'était nécessaire, une âme héroïque. Il fit un signe à Hélène et ils jouèrent le concerto comme ils n'avaient jamais rien joué de leur vie. « Bravo, bravo !» cria Aben en se levant à demi pour applaudir. La moitié de la salle suivit cet exemple. Les altesses adressèrent leurs compliments aux deux artistes avec le plus gracieux sourire, et trois bouquets, commandés après la polonaise, arrivèrent successivement à Hélène, qui ne savait qu'en faire, et qui eût bien mieux aimé ne rien recevoir que d'être fêtée ainsi aux dépens de Demian. Quand il se fut retiré dans le salon des artistes, notre ami, un peu ahuri de tant d'émotions diverses, passa sur son front un mouchoir qui ce jour-là n'était pas déchiré, et se tourna vers Hélène pour prendre une contenance. L'absence de la princesse était en effet une déclaration de guerre. Mais il l'avait provoquée, et maintenant il se demandait si l'amour de Cléopâtre, si bizarre, si enivrant, si peu semblable à tout ce qu'il avait rêvé, n'allait pas lui échapper. Cette idée remplissait tellement son âme que, faute de mieux, il allait peut-être demander à la petite Hélène ce qu'elle pensait de cette absence extraordinaire, lorsque celle-ci posa doucement sa main mignonne sur le bras de notre héros, qui abaissa machinalement les yeux sur l'objet qu'elle tenait à son autre main, puis les releva vers les yeux de son ami, car c'est toujours dans les yeux qu'on va chercher l'explication d'un mystère. L'objet était un des bouquets qu'elle venait de recevoir. « Vous souvenez-vous, » dit Hélène, d'une voix dont la douceur exquise faisait songer à certains parfums de fleurs de l'Inde, fins et pénétrants comme une brise de printemps. « Vous souvenez-vous, Demian, que vous m'avez envoyé mon premier bouquet ?» Il se rappela soudain le grand salon nu, le piano à queue, le bouquet odorant dans son vase, et les débuts de cette étrange amitié qui lui avait donné tout à coup une sorte de famille. « Oui, » dit-il avec une joie sincère. Ce temps était loin, bien loin, et pourtant quelques mois à peine l'en séparaient. Mais son existence actuelle, pleine de gêne morale et d'incertitude, lui paraissait un temps d'épreuve en comparaison de cette heureuse époque. « On ne donne pas de fleurs aux hommes, » reprit Hélène avec un sourire ému qui jouait dans les coins de sa bouche, peut-être pour arrêter les larmes prêtes à monter de son cœur. « Je ne peux pas vous offrir ces bouquets, mais ils sont à vous, Demian, tout à vous. Prenez un brin de verdure, un rien, comme emblème du reste, qui vous appartient. » Elle ne trouvait pas sentimental ni ridicule de lui offrir un souvenir de cette journée, cette petite Hélène. Demian étendit la main vers le bouquet, rompit un brin de myrte, le respira, le mit dans sa poche de côté et n'éprouva pas plus le besoin de répondre que sa jeune amie n'éprouvait celui de lui en dire plus long. Ils restèrent ainsi l'un devant l'autre, regardant tous deux ces fleurs qui leur disaient tant de choses et si différentes. Puis leurs regards se croisèrent. Ils échangèrent un sourire furtif et ému comme un baiser. Elle détourna les yeux, mais Demian continua à la regarder. La vue de cette honnête et pure jeune fille lui faisait un bien étonnant. Il lui semblait plonger son âme dans un bain du l'été, en associant dans sa pensée les souvenirs de Yaroslav et ceux de leur présente. « Je serais bien triste sans elle, » se dit-il tout à coup. « Dans la fièvre qui m'a pris ici, elle a été la source d'eau vive qui m'a rafraîchi. « Je vous remercie, Hélène, » dit-il simplement, terminant tout haut sa pensée. Et sans savoir pourquoi, mu par un besoin d'exprimer sa reconnaissance, il souleva la main fraîche de la petite pianiste jusqu'à ses lèvres, la baisa respectueusement et la pressa sur ses yeux humides. Elle le regarda surprise, puis une joie indicible transfigura son visage. Elle serra son bouquet sur son sein et quitta le salon des artistes. L'instant d'après, Aben entra et se dirigea tout droit vers Demian. « La princesse est un peu souffrante, » dit-il avec cette aisance que le jeune artiste lui enviait tant. « Elle m'a chargé de vous prier de venir ce soir faire de la musique avec Mademoiselle Hélène. Où donc est-elle, Mademoiselle Hélène ? Il m'a semblé la voir ici il n'y a qu'un instant. »« Mademoiselle Mianoff est sans doute retournée chez elle, » dit Demian d'un ton grave. « Je ne sais, monsieur le comte, si nous pourrons ce soir. » »« Tâchez, mon ami, faites de votre mieux. » « Vous avez déjà refusé plusieurs fois d'aller chez la princesse, elle me l'a dit. »« Elle vous l'a dit ?» répéta Demian au comble de l'étonnement. « Elle me l'a dit. »« Qu'y a-t-il à cela d'étonnant ?» fit Aben avec un sang-froid merveilleux. « Vous ne voudriez pas vous brouiller avec elle. Elle a beaucoup d'estime pour votre talent. Elle a même prononcé le mot de génie. « Venez, je vous en prie, en son nom et au mien, si ma voix peut avoir quelque influence. »« C'est bien, monsieur, nous irons, » répondit Demian, en affectant le même sang-froid que son interlocuteur, tandis que cette démarche le remplissait d'une joie insensée. La princesse le priait de venir après son refus du matin. C'est donc qu'elle s'avouait vaincue. Avec la modération de son âge, il se promit d'abuser de la supériorité qu'elle lui accordait, et rentrant au logis, il fit part de cette invitation à Hélène. « Comme vous voudrez, mon ami, » répondit-elle, et ils n'échangèrent plus jusqu'au soir que des propos insignifiants.